Allô, ça va? Ça va, oui. Oui, ça va, ça va. Bah, hein, j'ai plein de machins à te donner, là, oui. Bah, il n'y a pas longtemps qu'on est venu, d'accord. Bah, oui, là, j'ai trois machins de à la tomate comme tienne. Ah, bah oui. J'ai des machins, j'ai des hauts de machins de... Il y en a au moins un kilo, là, de dandono, là, tu sais, de haut de cuisse, là, je sais pas comment ils appellent ça. Bah, pourquoi t'en as acheté autant? Bah, j'ai dit que j'étais vierge. Ouais, j'ai des petits pains au lait, là, j'ai acheté ce matin, là, t'en réclames. Ah ouais? Ouais, 18 petits pains au lait, de 6 francs et quelques. C'est ah pas ouais? cher, hein? Ouais, c'est pas cher, il y a des promos. Ah ouais? T'as acheté une lampe aussi, une lampe tempête. Tu sais combien sur les bateaux, là? Ah ouais? Des petites lampes, là. Ah ouais? C'est bien, ça marche au pétrole. Bah, il y a peut-être des bricoles, enfin, si tu viens, tu viens, tu viens pas, tant pis. Hein. Ouais. On les mangera, les machins, tant pis, les trucs. Hein. Ah bah ouais, ouais. Ouais, parce que, bah là, on viendra quand... Ils vont être bientôt en vacances. Ah, oui. Ah bah oui, mais toi, c'est bientôt l'hiver, il fait beau en ce moment. Ah bah, les trips, je crois que c'est jusqu'au 26, je crois. Ouais, bon, on viendra avant, hein. Ouais, bon, d'accord. Ouais. Ah, bah, quand tu veux, hein. C'est dommage, parce qu'il fait beau en ce moment, hein. Bah ouais, ouais. Ouais. J'espère qu'il fera beau la semaine prochaine. Ah ouais? Bon, de toute façon, la viande, elle est au congèle, hein. Il n'y a que les machins, quoi, les tripes, je sais pas, ça se met pas au congèle, hein. C'est pas bon. Bah, ça, je sais pas si ça se congèle. Bah non, c'est pas au congèle, là, quand ils les vendent, hein. Bah non, non, ils sont pas... Bah non, s'ils seraient aussi dans le congèle, on dirait, bon, bah, ça va au congèle. Qui va au congèle, c'est au congèle, mais c'est qui va pas au congèle, hein. Bon, bah, tant pis, hein. Quoi? Eh ben non, mais tu m'appelles, je sais pas, je peux pas être de partout, hein, la fenêtre, t'es ici, t'es là. Oh. Bon, bah, je vais te laisser, là. Bon, bah, je te dis au revoir, alors. Ouais. Hein? Ouais, d'accord. Dommage, Daniel, il y a que lui qui bosse, là. Ah bon? Mais même le samedi, hein. Même le samedi? Même samedi dernier, il bossait. Ah bon? Il y avait la voiture, oui. Ah oh ben c'est bizarre, pourtant il bosse pas le samedi. Ouais, mais peut-être Daniel il bosse pas, mais il bossait, hein. C'était peut-être urgent, Romain. Ah oui, c'était peut-être un truc urgent qu'il fallait qu'il finisse. Ah ouais, c'est juste en face de la gendarmerie. Ah ouais. Ah. Ah ouais. S'il les connaîtrait, les gars, je leur donnerai au gars, puis qu'il y donne. Ah oh non, bah ben non. Tu sais comme il est, ah ouais. Daniel, tu sais comment il est, hein. Ah ouais. Donc ça va te vexer, ou ouais, pas, ouais. Qu'est-ce, hein. Ouais. Et puis je peux pas t'envoyer ça dans un colis, s'ils envoient dans un colis, je vais payer plus cher que le... Je sais pas, ouais, bah, tant pis. Ça fait rien, remarque, il y aura que les machins qui sont détériorés, hein, si tu viens pas le 26, il y a peut-être les machins, je sais pas. Des trucs. Bon, bah, moi, je vais en manger parce que j'aime ça. Ouais, bah, la tomate, vous devez les garder, parce que les gens sont à la tomate, là. Tu gardes sur la tomate, alors. Ouais. Hein? Bon, il ouais. y a trois barquettes. Les gars, il y a plus d'un kilo de machin, c'est les hauts de cuisse de dinde, je sais pas comment ils appellent ça. Ah ouais? Ouais, il y a plus d'un kilo. Ah, j'ai dit tiens, bah tant pis. Hein, sans faire esprit, je les ai mis au congèle et puis je voulais les séparer et puis c'était trop tard et j'étais gelé. Alors faut pas les faire dégeler et puis les remettre. Hein. Ah bah non. Non, non. Ah. Oh, il y en a plus d'un kilo alors dans un paquet alors. Là, pour vous tous, ça irait, hein. Tu peux les manger pendant 2 jours. Ah non, c'est pas bon sur le gris, je crois. Oh. La dinde sur le gris, ça vous plaît. Oh non, je crois que c'est pas bon sur non, le gris. Tu peux faire un ragoût, machin, je sais pas. Ouais. Moi, je l'ai fait au cours, voilà. Avec des tomates dessus. Ouais, c'est mieux. Bon, ben... Bon, ben, je sais pas, au moins qu'on se fait... J'ai décidé demain matin, je sais pas, je verrai. Enfin, je te rappellerai, hein. Bah remarque, vous pouvez faire un aller-retour si vous voulez pas manger là, hein. Moi, ça bah je sais pas, on verra demain matin, de toute façon je te rappellerai demain matin à ce moment-là. Ouais bah... Je sais pas ce que je vais si faire demain. Si tu viens comme ça, de toute façon il y a ce qu'il faut, hein. Ah bon? Ouais, même si tu téléphones pas, il y a à manger. Hein. Oh, je sais pas parce que, bon bah, fallait que je vais faire la suite. Ouais, tu téléphones, enfin, tu dis bien, puis c'est tout, hein, pas ouais. N'importe quelle heure. Ah, ouais, on verra. Bon, bah je te laisse alors. Ouais, d'accord. Hein? Allez, au revoir. Allez. Bonjour à Daniel. bien. Oui, d'accord. Au revoir. Allez, au revoir.